It's time now to hear the complete scene at the Gare du Nord, from the moment Hélène introduces herself to George to the moment when they set off to George's hotel. Well, not quite the complete scene. Some of the English words have been omitted, but with all the French you've learnt so far, you should have no trouble understanding exactly what's going on. À la Gare du Nord. Monsieur Saville? I'm sorry. Vous êtes de Snacktrack, n'est-ce pas? Yes. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris. Je m'appelle Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Salon Plus? Oh, yes. You're our rep here. Rep? Our representative. Ah, oui. Do you speak English? Un peu. A little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout. Not a word, I'm afraid. Mais votre lettre? What? Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Saville? C'est vous, n'est-ce pas? Votre nom? No. Non? My name's Wickham. Mais, Monsieur Saville, where is... He's not very well. You know, ill, sick. Ah, il est malade. So, I've come instead. Ah, maintenant, je comprends. What? Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Mais ce n'est pas difficile, le français. C'est facile. Not like English. Oh, l'anglais, c'est très difficile. But you speak English very well. Non, je ne crois pas. I think you do. Merci. Monsieur Wickham. George Wickham. Monsieur Wickham. Et moi, je suis Hélène. Hélène? C'est ça. Mais pardon, avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? No thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. Oh, est-ce votre valise? Valise? Oui. Vous avez... you have this case only? Oh, yes. Just the one. Bon, allons-y.